pas d'état d'âme, pas d'état mesdames, qui soit tenu par vous mesdames. Faisons un ramdam dans le cerveau des dames et des pas d'âme, mesdames, un ramdam. Mais je vois que ça rame dans le crâne des pas d'âme et des dames. Je vois que ça traîne, car là où la virilité est reine, l'homme est roi, et dans ce cas, par-dessus Rome n'a porté la couronne, encore moins de femmes n'ont fait un état d'âme, donc il n'y a eu en somme que des états d'hommes, mais pas d'état d'âme. Mais je vois que ça rame dans le crâne des pas d'âme et des dames. Je vois que ça traîne, car là où la virilité est reine, l'homme est roi, et dans ce cas, un état d'âne au-dessus de nos crânes, un catalogue nos âmes par sexe, homme ou femme, à chacun son rôle, à chacun sa trame, les mœurs qui nous enrôlent au détriment des dames. Mais je vois que ça rame dans le crâne des pas d'âme et des dames. Je vois que ça traîne, car là où la virilité est reine, l'homme est roi, et dans ce cas, permettez-moi un slam qui réclame, un slam qui réclame l'égalité homme-femme. Peu importe que je m'enflamme dans mon état d'âme, que les vers que je clame sortent de la gamme. Voici mon sésame pour calmer ses âmes et les polygames, pardonner l'amalgame. Ramant, crânant, brassant de l'air, la testostérone comme argumentaire. À jouer les beaux, les mâles, la font à l'envers, vent font les héros, mais dans le dos nourrice cerbère. Pas d'état d'âme, non. Permettez messieurs dames, permettez que j'entame la seconde partie de ce piètre blâme. Il apparaît sans spam aux yeux des pas d'âme. On ne le supprime pas, c'est un message qui voyage, qu'il parvienne aux oreilles des classes pas que ministérielles. D'un revers balaye les bastions des puritains et leurs traditions. Mais je vois que ça rame dans le crâne des pas d'âme et des dames. Je vois que ça traîne, car là où la virilité est reine, l'homme est roi, et dans ce cas, la femme ne rame pas dans un océan hostile à l'égalité des droits. Ramdam pour que la femme ne trime pas dans des terres infertiles à la culture de sa voix. Ramdam dans les lois pour la parité, le combat cessera quand elle sera dans les mentalités. Ramdam dans les lois pour la parité, le combat cessera quand elle sera dans les mentalités.